Chapitre 17. Jésus dit à ses disciples, « Il y aura toujours des faits qui entraînent les hommes à pécher, mais malheur à celui qui en est la cause. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer, que s'il faisait tomber dans le péché un seul de ses petits. Prenez bien garde. Si ton frère pêche, parle-lui sérieusement. Et s'il change de comportement, pardonne-lui. S'il pêche contre toi 7 fois en un jour et que chaque fois il revienne te dire « je le regrette », tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur « augmente notre foi ». Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, répondit le Seigneur, vous pourriez dire à cet arbre, ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Supposons ceci. L'un d'entre vous a un serviteur qui laboure ou qui garde les troupeaux. Lorsqu'il le voit revenir des champs, va-t-il lui dire, viens vite te mettre à table. Non. Il lui dira plutôt, prépare mon repas, puis change d'habit pour me servir pendant que je mange et que je bois. Après quoi, tu pourras manger et boire à ton tour. Il n'a pas à remercier son serviteur d'avoir fait ce qui lui était ordonné, n'est-ce pas? Il en va de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa entre la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance, et se mirent à crier, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors, « Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres ? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, à part cet étranger ?» Puis Jésus lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle façon qu'on puisse le voir. On ne dira pas, « Voyez, il est ici », ou bien, « Il est là ». Car sachez-le, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples, « Le temps viendra où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. On vous dira, « Regardez là » ou « Regardez ici », mais n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel et l'illumine d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La grande inondation vint alors et les fit tous périr. Ce sera comme du temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, du feu et du soufre se mirent à pleuvoir du ciel et les firent tous périr. Il se passera la même chose le jour où le Fils de l'homme doit apparaître. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit de sa maison ne devra pas descendre à l'intérieur pour prendre ses affaires qui s'y trouvent. De même, celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner dans sa maison. Rappelez-vous la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la conservera. Je vous le déclare, en cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit. L'une sera emmenée et l'autre laissée. 2 femmes moudront du grain ensemble. L'une sera emmenée et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ, l'un sera emmené et l'autre laissé. » Les disciples lui demandèrent, « Où cela se passera-t-il, Seigneur ? » Et il répondit, « Où sera le cadavre ? Là aussi se rassembleront les vautours. »